Et bonjour et bienvenue pour mon humble avis sur le jeu SCP Secret Files, développé par GameZo Studio, édité par Pixman et disponible sur PC depuis le 13 septembre 2022. Fraîchement recruté par la très secrète Fondation SCP, vous vous retrouvez à trier les archives de la Fondation et à étudier différents cas étranges impliquant des anomalies. On ne va pas se le cacher, à moins d'être fan de la Fondation SCP, sans aucun doute la création communautaire la plus surprenante du web, ce nouveau jeu se basant sur cet univers totalement fictif, ou pas, ne vous intéressera probablement que très peu. Il faut dire qu'ils sont bons le titre indépendant, narratif, développé avec passion, mais peu de budget. Les graphismes et l'interface demeurent relativement austères, et l'impact anxiogène du jeu peine à se faire ressentir. En outre, du point de vue technique, le titre n'est peut-être pas aussi optimisé que l'on pourrait l'espérer, comme en témoigne mon expérience avec le jeu sur mon Steam Deck, où il présentait par moments des ralentissements. Pour autant, si on aime l'univers de SCP, alors on appréciera cette petite excursion au sein de la Fondation, en découvrant différentes anomalies, toutes plus étranges les unes que les autres. Et cela pour un prix modéré, car le jeu étant proposé pour une douzaine d'euros sur Steam, ce qui est plutôt raisonnable pour un titre au gameplay plutôt simple et à la durée de vie assez courte, environ 4 heures. Néanmoins, il est possible de rejouer chaque anomalie pour éventuellement récupérer les objets collectables que l'on aurait oubliés. Une petite mention spéciale et personnelle pour Daniel et les dragons, qui est clairement l'histoire la plus touchante et qui démontre que les anomalies SCP ne sont pas forcément toutes synonymes de peur. En conclusion, si vous êtes passionné par l'univers de la Fondation SCP, vous pouvez vous lancer sur ce jeu qui apporte sa petite contribution à cette immense création communautaire issue du web. Pour les autres, vous pouvez tranquillement attendre une promotion pour assouvir votre curiosité ou vous rendre sur le site de la Fondation SCP.